Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs du colloque de m'avoir convié à voir de la neige à Paris. Et je voudrais aussi souligner que j'adopte ici une perspective ethnographique. Je suis anthropologue et non sociologue. Et qui plus est, je propose une perspective analytique un peu exploratoire sur des données qui sont toujours en cours de collecte, pour certaines en tout cas. Le constat à partir duquel je situe ma présentation aujourd'hui part de l'omniprésence en fait de la notion de guérison comme pratique et discours contemporain. On voit cette permanence de la notion de guérison dans différentes pratiques, discours, rituels d'imposition des mains qu'on observe dans beaucoup de groupes religieux, le renouveau des pèlerinages traditionnels, des églises de guérison, si bien que l'offre de guérison en tant que telle apparaît pour beaucoup de groupes religieux comme un facteur de séduction. Pour une clientèle ciblée, en quête d'un mieux-être, d'une guérison physique, morale ou spirituelle. Alors, il est sûr que la guérison par le recours aux religieux n'a rien d'inédit en soi, mais l'extension actuelle des discours et pratiques de guérison en des lieux et formes sécularisées amène à s'interroger d'une part sur la nature des maux et maladies exposés, mais aussi sur les mécanismes sous-jacents, ces processus, sinon de guérison, au moins de soulagement d'un mal-être exprimé. Et on peut s'interroger également sur ce que ces mécanismes et ces pratiques, discours de guérison révèlent du social. Alors la proposition dont je pars aujourd'hui est que la thèse de l'individualisation du religieux a beaucoup invité à inscrire ces quêtes de guérison dans les domaines du soi et de la réflexivité. Et ici, je voudrais plutôt proposer que ces quêtes de guérison portent en réalité des projets qui visent non seulement l'intégration du sujet dans des ensembles plus larges, mais aussi l'organisation du lien social selon des approches plus ou moins alternatives à la société dominante. Ici, je voudrais donc discuter l'articulation entre le religieux et la classe sociale en examinant les enjeux sous-jacents, les discours et pratiques de guérison des religiosités contemporaines. Je m'appuie ici sur deux approches théoriques, notamment la définition de la maladie proposée par l'anthropologue médical Arthur Kleinman, qui distingue trois dimensions possibles dans la maladie. La disease, c'est-à-dire la maladie, dans son aspect biologique et biomédical. La illness, qui renvoie à l'expérience subjective de la personne souffrante et de son entourage. Et la sickness, qui correspond aux dimensions socio-économiques et politiques de la maladie et de la souffrance. Et ces perspectives renvoient elles-mêmes à une définition complexe du corps, inspirée de la phénoménologie de Merleau-Ponty, et envisagée dans ses dimensions individuelles, sociales et politiques. Et donc j'emprunte cette lecture de la guérison pour discuter donc de l'articulation entre religieux et classe sociale. Les processus de guérison offerts par les mouvements religieux se situent en fait à des niveaux symboliques et somatiques. Ici, je m'intéresserai essentiellement au mode de guérison symbolique, c'est-à-dire au récit de guérison, qui propose d'inscrire le mal, la souffrance et la quête dans des schémas narratifs qui donnent sens à l'expérience individuelle et sociale, à ses ruptures, ses continuités et ses transformations. Donc, les récits de guérison, en fait, sont perçus ici comme des procédés narratifs, des formes de mise en intrigue qui intègrent un mal-être dans un paradigme religieux. Ici, guérir consiste à réordonnancer les sensations physiques, l'univers de sens et l'expérience sociale dans un tout cohérent, acceptable et qui procure satisfaction, soulagement et sens, et qui projette l'individu dans une perspective plus large. Par exemple, j'inclus ici comme récit de guérison la possibilité de reformuler des expériences de déclassement social dans un langage de guérison et de spiritualité qui permet de les revaloriser de façon positive. Donc ici, évidemment, la religion est vue comme une forme éthique de l'agir et on pourrait même dire de l'être. Donc dans cette présentation, j'examine des récits de guérison et j'identifie les conditions et possibilités d'intégration sociale que ceci offre aux individus et la façon dont ces derniers s'en saisissent. Je m'appuie sur trois terrains ethnographiques menés au Québec que je propose ici d'aborder de façon transversale. Premier terrain ethnographique auprès de Québécois entrés dans l'islam et donc des récits de conversion qui offrent donc un point de vue minoritaire. Le projet se distingue en fait en deux phases. D'abord, Il s'est axé sur des femmes qui se sont converties. Ce projet-là est terminé. Et à l'heure actuelle, je m'intéresse davantage à la catégorie de jeunes qui se convertissent à l'islam. Pour l'instant, on a collecté 33 entrevues. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette population, il y a vraiment tout type de classe sociale, mais on voit quand même une dominante au Québec, auprès de la classe sociale éduquée, qui est exposée au contact culturel, à la diversité culturelle, et en même temps, une dominante auprès de milieux familiaux déstructurés, des personnes qui sont issues de divorces, des familles monoparentales, etc. Et donc, parmi cette population, la conversion est souvent présentée comme une démarche qui permet un mieux-être personnel, un mieux-être social, au niveau d'une dimension structurée de la famille, du couple, de l'identité sociale. Et le standard du récit de conversion est souvent axé sur la présentation d'un travail sur le soi. La conversion est vue comme un travail sur le soi, axé sur une réalisation personnelle et sociale via ce qu'on appelle un djihad, un combat personnel, donc contre le soi. Deuxième projet ethnographique qui est davantage orienté sur des Québécois, donc le point de vue majoritaire au Québec, qui s'oriente vers des spiritualités, des pratiques de développement personnel. Je me suis intéressée en particulier à une classe générationnelle qui est celle des baby boomers, une population qui est née après 1945 et qui au Québec a été éduquée dans ce qu'on appelle le petit catéchisme, mais en même temps cette population a connu un mouvement de sécularisation très drastique, quasiment brutal au Québec, et donc à partir d'une socialisation dans un catéchisme assez traditionnel, s'est vue projetée dans un univers totalement sécularisé. Et donc très diversifiée au niveau du paysage religieux. Donc là, la population, on a récolté 43 récits de vie en deux étapes pour 23. Et donc la population est majoritairement issue de la classe moyenne, qui exprime un mal-être physique, émotionnel, sociaux. Et ces mal-êtres sont intégrés dans des perspectives holistes de l'individu, associant le physique, l'émotionnel et le social. Et donc pour cette population qui s'oriente vers les spiritualités et les pratiques de développement personnel, le récit de guérison est davantage structuré comme un discours d'appropriation d'une variété de pratiques de développement personnel, appropriation d'une redécouverte de spiritualité autochtone, de spiritualité orientale, qui sont mobilisées pour resignifier des expériences de vie souffrantes, modernes, dans un environnement fortement sécularisé. Troisième terrain, auprès de personnes qui se disent pèlerins, mais qui en fait sont des pratiquants, d'une forme de dévotion populaire à l'oratoire Saint-Joseph, qui est un sanctuaire dédié à un frère récemment canonisé, Saint-Frère André, qui est un important thaumaturge québécois, qui est décrit dans son hagiographie comme issu d'un milieu populaire, analphabète, orphelin, etc. Et donc les personnes ici qu'on a rencontrées, pour l'instant juste 10, sont davantage issues d'une classe populaire, immigrante, défavorisée ou marginalisée, parfois des sans-papiers. Souvent, une expérience de guérison miraculeuse structure vraiment le récit comme un motif central qui va légitimer ou justifier une pratique de dévotion assez assidue. Et leur récit est structuré également autour d'un modèle hagiographique du récit de la vie de frère André. Et donc on peut dire en ce sens qu'il constitue un archétype des discours de guérison. Et je donne ici un exemple d'une dévote qui dit « Le frère André est une personne humble. Il m'a beaucoup inspiré et il a fait des miracles. Tellement de miracles chaque fois que j'ai demandé. La troisième fois que j'ai fait mon pèlerinage en montant à genoux, parce qu'on monte les escaliers à genoux, ça fait partie du pèlerinage, je n'avais pas de logement. J'étais errante. » Les escaliers, juste pour vous montrer... Ah, on ne les voit pas, mais bon, c'est quand même assez haut. « Ce jour-là, en retournant à la maison de mon ami, une agence m'a appelé pour un emploi. J'avais tellement supplié frère André ce matin-là. J'ai dit oui, merci, et c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de devenir bénévole à l'oratoire. » Donc on voit que plus que des formes d'être au monde, les discours recueillis expriment des formes d'intégration, d'engagement social, moral, politique dans des ensembles plus larges. Et parfois, formulent même des visions sociales alternatives qui associent le souci de la guérison à un mécanisme de régulation sociale, quelque chose qui est quand même assez documenté dans la littérature anthropologique. Je voudrais illustrer ce point en proposant, j'ai deux vignettes ethnographiques, mais je pense que j'aurai le temps d'en proposer qu'une. Donc le récit de conversion de Audrey, donc conversion à l'islam, 24 ans, étudiante. Dans son récit de conversion, on observe assez rapidement un événement central, une rupture biographique qui est le divorce de ses parents alors qu'elle a 16 ans. Cet événement structure son récit de guérison. Elle dit « Je me suis dit qu'il me fallait trouver une base pour continuer et avancer ». Parmi les éléments de son schéma narratif, on voit que la conversion est vécue vraiment comme une forme de guérison. Elle dit « Je me suis vraiment comme sentie bien à ce moment-là. C'est comme si j'avais un gros poids sur les épaules et que ce poids-là était parti. Je me suis sentie légère et comme en train de trembler. C'était vraiment quelque chose. » L'islam est vécu comme des bases stables qui donnent légitimité et reconnaissance à Audrey comme soutien de famille et d'une certaine façon lui permettent de réhabiliter une identité ostracisée de musulmane. Elle dit « Moi j'étais un peu comme la béquille et la fille forte dans ma famille parce que ma mère a eu beaucoup de difficultés avec ça, c'est-à-dire avec le divorce. Elle est devenue monoparentale après et mon père est allé vivre ailleurs. » Cependant, on voit aussi que la conversion est rapidement pathologisée par l'entourage. Elle dit « Il y a des profs qui l'ont appris et ils m'ont référé à une psychologue. » C'est normal, évidemment. C'est intéressant qu'elle dise que c'est normal. Pour voir un peu comment ce cheminement s'est fait. Si ce sont des gens qui m'ont amené à ça et en combien de temps je l'ai fait. Parce qu'il y avait un risque de radicalisation aussi. C'est intéressant l'internalisation du discours dominant. Elle se marie assez rapidement dans le cadre d'un mariage religieux qui forme c'est une sorte de contrôle de la sexualité. Donc on voit là un espèce de projet moral sous-jacent son récit de conversion. Et ce qui est intéressant, c'est que ses parents étaient d'abord réticents à son mari, qui est d'origine algérienne, il me semble, parce que c'est un étranger immigrant non régularisé à l'époque, mais c'est un homme pratiquant, mu par des valeurs. Et donc là, on voit le narratif de l'homme bien, serviable, le narratif de la bonne personne. Par exemple, elle dit « Je ne voulais pas dire à mes parents que je m'étais mariée. C'est sûr que ce n'était pas pour les papiers. Mais mes parents ont vu que ce gars-là était un gars bien. Quand ma mère a besoin de faire quelque chose dans la maison, il vient l'aider, c'est un gars qui est correct. » Donc on voit ici que la religion transmet des dispositions qui permettent de déplacer des préjugés, un statut, une condition sociale, voire de la xénophobie qui est quand même assez forte au Québec, en substituant la valeur morale de la personne religieuse à sa condition ethnique sociale. Son récit de conversion marque aussi une forme d'engagement social. Elle est engagée dans le comité environnement de son collège et elle présente la codification des rapports de genre, et non de genre, pardon, comme une forme de respect des autres et de régulation sociale. Elle donne l'aumône, elle parraine une petite fille en Russie, elle envoie de l'argent et elle se dit prête à aller vivre en Algérie, dans le pays de son mari. Et donc là, il y a tout un imaginaire sur les pays de tradition musulmane qui sont vus comme plus authentiques, proche de la religion, évidemment. Et ce type de récit est assez caractéristique d'un discours de sensibilisation et de mobilisation sociale qu'on retrouve dans les récits de conversion, qui gravitent autour d'une défense de l'environnement, d'une volonté de retour à la terre également, mais aussi une critique de l'impérialisme économique, politique. On parle beaucoup de la cause palestinienne, qu'on finalement intègre dans toute forme d'oppression qui révolte beaucoup les convertis et qui justifie un discours de justice sociale qui est beaucoup fondé sur l'intersectionnalité. Si bien que ce discours de justice sociale va beaucoup revendiquer l'émancipation de toute forme d'oppression fondée sur le genre, mais de tout autre marqueur, ethnicité, classe sociale, etc. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Ah, ok, je vais pouvoir présenter ma deuxième vignette ethnographique. Donc, issue de mon autre projet sur donc les Québécois baby boomers qui s'orientent vers des pratiques de développement personnel. Et donc, le récit de vie, en fait, dans le projet, on parle d'itinéraire de sens, comment on donne sens à la biographie personnelle. Donc, récit de vie de Jeanne, qui s'intègre dans une spiritualité alternative et qui a 69 ans. Elle affiche un profil assez typique pour sa génération. Elle se dit athée. C'est le discours qu'on récolte habituellement. Mais en réalité, beaucoup de ses pratiques relèvent de l'ésotérisme, de la spiritualité et ont un lien très souvent avec une démarche artistique. Elle fait de la céramique, de la peinture d'icônes, etc. Sa biographie est marquée par deux événements et ruptures assez centraux. D'abord, elle est très engagée dans le mouvement de contre-culture des années 70, qui est très fort au Québec. Et aussi, elle vit un cancer du sein en 1992. Ces deux événements structurent son narratif d'itinéraire religieux ou d'itinéraire de sens. Son conjoint lui offre un médaillon de Saint-Michel. Et donc, la symbolique de Saint-Michel terrassant les démons est très importante dans son discours. Va induire un schéma narratif du combat. Elle explique, tu peux te laisser aller et mourir, ou tu peux combattre et guérir. Toute l'attention que tu peux avoir autour de toi, l'amour que les gens te portent, toutes les croyances que les gens t'amènent, tous les modes de guérison scientifiques ou thérapeutiques que les gens t'apportent, tu prends tout dans ton bagage et puis tu te bats, et puis ça marche. Ça fait que ça change un peu. D'abord, tu es mise face à une réalité, c'est que tu n'es pas immortel. À partir de ça, tout ce que tu fais après, tu le choisis en fonction d'être heureuse et de rendre les autres heureux autour de toi. Et donc, ce combat est mené grâce à des ressources religieuses. Donc, notamment, elle parle de l'icône que son conjoint lui a donnée, qu'elle a portée longtemps. D'ailleurs, j'en ai plusieurs. Je les porte par période. J'ai des Bouddhas, la petite main de Fatma. J'ai presque de toutes les croyances. Donc, il y a vraiment un discours universel qu'elle oriente vers la compassion, l'amour universel. Et ce combat contre la maladie devient également un combat contre le soi et se projette finalement comme un combat contre des formes de domination sociale. Elle parle d'abord de Saint-Jacques de Compostelle qu'elle a fait. C'est éprouvant, tu te mesures physiquement, tu te mesures, excusez-moi, il y a des erreurs d'orthographe, tu te mesures à la nature et à un poids. Tu es solitaire, mais tu rencontres beaucoup de monde, tu penses à ta vie, tu penses aussi à résoudre des problèmes, tu penses à dissoudre certaines couleuvres. C'est pas toujours facile de pardonner, d'accepter ce qui se passe dans la vie. Et ce discours de combat contre le soi devient un discours de contestation qui traduit une forme de contre-culture, voire une culture alternative. Par exemple, elle dit « je vais appuyer les étudiants quand il y a des contestations ». Cet automne, il va y avoir de grandes contestations à cause des transformations sociales, c'est certain. Avec tous les changements qu'on apporte, les coupures de budget dans le système scolaire, dans le système médical, des coupures partout, ils sont en train de refaire toute la société sans trop nous en parler. Alors, il faut y aller, alors je vais y aller. Donc, cet exercice de vignette ethnographique montre un petit peu la méthodologie pour l'analyse qu'on a adoptée. Et donc, ce qu'on relève, en fait, les tendances issues de ce type d'analyse transversale des narratifs de guérison relèvent d'abord de la sémantique de la restauration. On veut restaurer un ordre personnel, mais aussi restaurer un ordre social, familial perdu. Évidemment, dans le contexte québécois, c'est très important, avec la grosse vague de féminisme que le Québec a connue dans les années 70, qui a beaucoup déstructuré les modèles familiaux. Et donc, finalement, ici, le religieux, les pratiques, les confessions, etc., sont vues comme des formes éthiques, voire disciplinaires de régulation du soi. On parle d'abstinence, de discipline du corps, de la rythmicité de la pratique des dévots, par exemple, de l'autosurveillance des dévots également. Et également de l'intégration dans le quotidien d'une praxis, du végétarisme pour ceux qui pratiquent les formes de développement personnel, la méditation, les prières, etc. Si bien que ces pratiques constituent une forme d'éthique du soi qui traduisent ou qui se font les vecteurs d'un ordre social, familial, axé sur l'idée d'un ordre juste. On parle beaucoup d'une culture ancestrale, d'un retour à la terre, qui sont cet ordre juste vu comme authentique, l'idée d'authenticité est forte, qui amène un discours de la guérison de la terre pour les spiritualités alternatives, guérison de la société impérialiste, d'une société dominante vue comme pervertie. Et dans ce discours, dans cette éthique en fait, dans l'appropriation de cette éthique, les répondants acquièrent une forme de réhabilité et de distinction sociale et donc une forme de légitimité et de reconnaissance sociale en s'intégrant dans cette éthique. Ce qu'on observe également, c'est des modes alternatifs d'organisation du lien social, organisés autour de logiques de solidarité particulière. Ici, la collectivité est souvent conçue comme une communalité, la chose commune, partagée, fondée sur une sorte d'économie alternative qui peut encore une fois se conjuguer à un retour à la terre, à une économie du troc, par exemple, à la logique du don et du contre-don. Des logiques de socialité également, des communautés temporaires, voire parfois des communitas, donc très éphémères, mais très fortes en même temps, parfois très émotionnelles, qui peuvent également se décliner sous forme d'autarcie ou de sentiments d'appartenance très forts. Je prendrai pas le temps de parler de la citation du dévot que j'avais notée. Des logiques d'action, beaucoup des projets sociaux sous-jacents à ces éthiques, comme par exemple un dévot à Frère André qui dit qu'il demande à Frère André, dans ses intentions personnelles, que la maison de Frère André soit toujours religieuse, qu'il n'y ait pas de gens malheureux, que ce soit des gens qui viennent en paix. Je suis prêt à venir faire mon bénévolat ici, mais il faut que ce soit harmonieux, que ça nous donne envie de venir faire du bénévolat. Ces logiques d'action sont aussi fondées sur des valeurs de charité, de service, le bénévolat, le service que je rends, que je donne, le service aux autres, ça me donne un réconfort spirituel. Et évidemment, l'idée de justice sociale est un rôle moteur, je dirais, dans ces discours de guérison, du social en particulier. Alors, en conclusion, on peut dire que les schémas de guérison qui sont omniprésents dans les récits que j'ai recueillis justifient des logiques d'action et de moralité selon des mécanismes qui varient, mais le tout dans une optique de régulation sociale. Alors, évidemment, il y a beaucoup de pistes d'exploration de ces données, notamment si les récits en soi portent une efficacité symbolique, on peut s'interroger sur l'efficacité pratique, la portée sociale, voire politique de ces discours, et également sur les processus de sélection de ces discours, et donc remettre peut-être ou s'inspirer de la théorie des affinités électives de Weber dans cette interrogation-là. Merci.